Et gouverneur musulman. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, non, dans le Coran, il y a la Sunna, je sais, il ne m'a pas dit, il m'a dit, j'ai des doses. Je ne peux pas pour telle ou telle raison. Je sais que c'est vrai. Je suis positif, mais pour telle ou telle raison, je ne peux pas. Comment? J'ai entendu une fois, le président d'Algérie, à la télévision, dire, je l'ai entendu avec mes propres yeux, il a dit, moi, je vous dis la vérité. Alors, avant d'être président, je vous dis la vérité. Moi, je ne vais pas juger avec le Coran et le Sunna. Pourquoi? Bah, maintenant, c'est grave. Qu'est-ce qu'il va dire? Et, d'après ce qu'il va dire, qu'on va dire, il est musulman, il n'est pas musulman. Il a dit, pourquoi? Il a dit, parce que la charia islamia, ça demande beaucoup de ulama, ça demande de grands ulama, ça demande beaucoup de science. Et moi, tout cela, je n'ai pas en Algérie. Donc, regardez ce qu'il a dit. Il n'a pas dit, je ne reconnais pas le Coran à la Sunna. Il a dit, au contraire, ça demande beaucoup de ulama que je n'ai pas, que je ne peux pas, je ne vais pas vous le dire. Je ne vais pas vous dire que je vais gagner, appliquer. Je n'ai pas gagné à appliquer. Donc, maintenant, s'il y a quelqu'un qui va me dire, celui-là, c'est un kafir, toi-même, tu deviens un kafir. Pourquoi? Parce que tu as dit kafir à quelqu'un qui n'est pas.